بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل دراستنا في سيرة أنبياء الله عز وجل، وما زلنا في دراسة سيرة نبي الله داود عليه السلام. Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur l'étude, sur certains faits, événements qui se sont produits à l'époque du prophète Daoud, alayhi salam, qui font partie justement de certains faits qui se sont produits pendant la vie de Daoud, alayhi salam, qui nous sont mentionnés dans le livre d'Allah, dans le Coran. Et donc, on avait mentionné dans les assises précédentes les vertus et les mérites du prophète Daoud, comme Allah, Jalla wa Ala, les a évoqués dans le Coran. Et donc, on a tiré à travers l'étude de certains versets que Daoud était doté de nombreuses vertus. Il a été comblé par de nombreuses grâces et faveurs de la part de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que Daoud était un exemple même en matière d'adoration, dans le domaine de l'adoration. Daoud, alayhi salam, que la paix soit sur lui, était un exemple et un modèle pour toutes les générations à suivre concernant l'adoration, l'aspect de l'adoration du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on avait mentionné dans des textes, hein, jusqu'à ce qu'on avait plutôt à l'étude, après l'écoute de certains textes, on avait pu déduire que Daoud était un exemple même du fait que le prophète sallam a vanté le siyam de Daoud et la prière de Daoud. Par exemple, dans le hadith qu'on avait écouté et étudié, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Le meilleur jeûne, le plus aimé des jeûnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala était Siyam Daoud, le jeûne de Daoud ». On avait mentionné aussi dans le même récit que la meilleure prière, la prière la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala était la prière de Daoud. Le fait qu'il se levait, il dormait une partie de la nuit, se levait une autre partie de la nuit pour prier son Seigneur, pour prier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait dit que Daoud était un exemple dans la récitation du livre, était un exemple en termes de siyam, de jeûne, et son jeûne est célèbre, et le prophète Sam dit que c'est le meilleur des jeûnes, le jeûne de Daoud, et aussi en matière de prière et autres. Donc ça fait partie des vertus de Daoud, alayhi salam. On a même un récit. Justement, lorsqu'on parle de jeûne, et comme on est dans un mois de jeûne pendant cette période du mois du Ramadan, donc le fait d'avoir des notions dans le jeûne et le fait de s'encourager à cette adoration, car le jeûne est une adoration qui est immense. À l'époque, il y avait un compagnon qui s'appelait Abu Darda. Abu Darda, et lui, Abu Darda, le prophète, sallam, comme vous avez cette notion, le prophète, lorsqu'il est arrivé à Médine, donc il avait fait une sorte de lien entre les compagnons. Et donc, un compagnon qui vivait à Médine, alors, devait, en quelque sorte, prendre en charge et se faire frère avec un immigrant. Donc, les auxiliaires se faisaient frères avec les frères immigrants, ceux qui émigraient, qui arrivaient de la Mecque. Donc le prophète sallam avait mis ce lien entre les compagnons. Et il nous est rapporté que justement ce lien avait été fait entre Abu Darda et Salman. Donc Abu Darda était lié à Salman, et il est rapporté qu'un jour Salman est venu rendre visite à Abu Darda, et Salman avait trouvé l'épouse, la femme de Abu Darda dans un état de délaissement, en quelque sorte, une traduction approximative et rapprochée. Et donc là, ensuite, elle fit part à Salman que Abu Darda n'avait pas besoin d'eux et qu'il avait délaissé cette dunya, et donc il n'avait pas besoin des choses de cette vie et qu'il avait complètement délaissé cette vie. Et donc Abu Darda était constamment en train de jeûner. Il jeûnait constamment et, mashallah, il priait constamment. Donc, il était fervent et dévoué dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, un jour, Alors, Abu Darda invita, Ja'ahu, Abu Darda plutôt est venu à Salman. Est venu rendre visite à Salman. Salman l'invita. Et lorsque il rentra chez Salman, alors Salman lui avait posé à manger. Lui avait posé à manger, mais Abu Darda était en jeûne. Était en jeûne. Et donc, il n'a pas voulu rompre son jeûne jusqu'à ce que Salman, le compagnon Salman Farisi, Salman l'ait forcé à rompre son jeûne et qu'il était son invité, donc il l'avait exhorté à rompre son jeûne. Donc ensuite, Abu Darda mangea. Ensuite, un soir, alors qu'Abu Darda était en compagnie de Salman, alors Salman a vu qu'Abu Darda ne dormait pas. Ne dormait pas, mais il priait. Il priait et, ou plutôt, ce qui est rapporté d'une manière plus exacte, c'est qu'Abu Darda se reposait et dans la nuit, il allait se lever. Il allait se lever pour prier. Et là, lorsqu'il allait se lever, Salman lui a fait signe, non, pas maintenant. Te lève pas maintenant. Donc il lui a fait signe. Ensuite, un autre moment, Boudarda voulait se lever encore pour prier. Et Salman lui fait signe que non, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la moitié de la nuit. Et là, Salman dit à Boudarda, lève-toi maintenant et prie. Lève-toi et prie. Et là, il est rapporté, donc dans le récit, que Salman exhorta Boudarda en lui disant, Inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan. Certes, ton Seigneur a un droit sur toi, comme ton corps, ta propre personne, ton nefs a un droit sur toi, et ta famille aussi a un droit sur toi. Et donc, ensuite, Abu Darda, il est rapporté qu'il s'est rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de cela. Il s'est rendu chez le prophète en lui disant, voilà, Salman m'empêche de me lever la nuit pour prier, il m'empêche de prier, quand je jeûne, il m'empêche de jeûner, et il lui a fait part de la situation, et il est rapporté dans le récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Sadaqa Salman, Salman a dit la vérité, Salman a eu raison. Et là, le prophète lui enseigna, et c'est pour ça qu'on retrouve dans un hadith que le prophète ensemble dit, notre Seigneur a sur nous un droit, notre corps a sur nous un droit, nos proches ont sur nous un droit, et jusqu'à la fin du récit. Et donc là, Salman a fait montrer justement à Abu Darda, à son compagnon, qu'il devait dormir une partie de la nuit et se lever une autre partie de la nuit pour prier. Et comme il nous est rapporté dans le récit de Daoud se reposait une partie de la nuit et il se levait une autre partie de la nuit pour prier. Il se levait une autre partie de la nuit pour prier. Comme pour le jeûne, il lui disait, tu jeûnes, mais il faut rompre le jeûne. C'est pour ça qu'il nous est rapporté dans un autre récit, qu'un jour un compagnon aussi, qui jeûnait constamment sans rompre son jeûne, et jeûnait constamment, lorsqu'il s'est rendu chez le prophète, le prophète l'a exhorté de rompre son jeûne, de jeûner une partie et de rompre. Et le prophète l'avait exhorté à jeûner 3 jours par mois, à jeûner 3 jours dans le mois. Et là, le compagnon disait qu'il pouvait plus que ça. Le compagnon disait qu'il pouvait plus que ça. Et lui, le compagnon voulait jeûner tous les jours. Et là, le prophète, ensuite, l'a référé. L'a exhorté au jeûne de Daoud, que Daoud jeûnait un jour et il rompait un autre jour. Il jeûnait un jour et il rompait un autre jour. Et c'est pour cela que le prophète, dans un hadith aussi, comme on l'avait cité précédemment, il nous dit que le meilleur des jeûnes, celui qui est plus aimé auprès d'Allah, c'est celui de Daoud. C'est celui de Daoud. Et donc, on a appris à partir de ces récits, que le croyant, il doit être fervent dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il doit donner le droit à chaque chose. Il doit donner le droit à chaque chose. C'est-à-dire que son corps a besoin de se reposer, il se repose une partie de la nuit et se lève une autre partie de la nuit pour prier. S'il jeûne, alors il ne doit pas jeûner constamment sans rompre le jeûne, mais il jeûne, il rompt son jeûne, et dans le sens qu'il jeûne une journée, s'il veut Ensuite, faire le siyam de Daoud. Il peut faire siyam de Daoud. Parmi les choses recommandées, le siyam de l'Yom al-Ithnain ou al-Khamis, le jeûne du lundi, du jeudi. Mais on a appris dans ces textes que dans la manière d'adorer, il y a une manière qui est légiférée. Il y a une manière qui est légiférée. C'est comme un homme, un jour, un homme qui s'adressait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont venus voir le prophète pour l'informer qu'un homme, eux, certains avaient dit que il, en quelque sorte, on avait mentionné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme avait dit qu'il ne voulait pas se marier, qu'il vivrait sans se marier. Un autre avait dit que lui, il jeûnerait sans rompre le jeûne. Et c'est des choses donc qui avaient été dites. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui ont fait part de cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit que il se marie, que fait partie de sa tradition de se marier, fait partie de sa tradition de rompre le jeûne, de jeûner et de rompre le jeûne, et comme cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qui avaient été évoquées, à la fin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Faman raghiba an sunnati falaysa minni » et que celui qui ne désire pas ma sunna ne fait pas partie des nôtres. Donc ici, c'était juste un rappel pour dire, regardez, le siyam, le jeûne de Daoud, la prière de Daoud. Daoud, ce prophète-là, était fervent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, son jeûne, jusqu'à aujourd'hui, est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'éloge de ce jeûne en disant que le jeûne de Daoud est le meilleur des jeûnes, ainsi que sa prière. Et donc, la fois dernière aussi, on avait mentionné un événement qui s'est produit à l'époque de Daoud, lorsque Daoud avait tué Goliath. Lorsqu'il y a eu cette guerre entre les enfants d'Israël, puisqu'on a dit que Daoud est apparu à l'époque des enfants d'Israël, donc il faisait partie des prophètes qu'Allah envoyait aux enfants d'Israël. Donc de la descendance, on avait dit de Ishaq, le fils de Ibrahim, alayhi as-salam. Et donc ça, c'était à l'époque, comme on avait mentionné dans les versets, quand on a mentionné les versets, c'est à l'époque de Talut. Et donc lorsque le prophète de l'époque avait désigné Talut comme roi sur les enfants d'Israël, puisque eux-mêmes, par leur demande à eux, ils avaient demandé à leur prophète de leur désigner un roi. Et donc Allah Jalla wa'ala nous enseigne dans ces versets qu'il y a dans la sourate Baqara qu'ensuite ce prophète-là leur a désigné ce roi et qu'ensuite ils se sont plaints du fait qu'eux ont dit qu'ils étaient plus en droit à la royauté que lui et que lui n'avait pas d'argent. Mais leur prophète ensuite leur enjoint et leur a informé que Allah Jalla wa'ala avait décidé et avait choisi Talut comme malik, comme roi pour eux et qu'il avait distingué par rapport à eux, par rapport à son savoir et à sa capacité physique. Donc Allah Jalla wa'ala dans ses versets, il nous a enseigné qu'il avait choisi Talut comme roi sur les enfants d'Israël. Et justement, on voit ensuite dans ce fait, comme on l'a clarifié la fois dernière, dans cette histoire, ensuite, Talut, les signes de sa royauté, c'est qu'il allait apporter At-Tabut, la boîte. La boîte, le coffre, en quelque sorte, que les enfants d'Israël attendaient. Et donc ça faisait partie des vestiges, ça faisait partie des choses très importantes et précieuses, des trésors pour les enfants d'Israël. Et là, l'arrivée de ce tabout, de ce coffre, de cette boîte portée, que Allah Jalla wa'ala nous informe au sujet du tabout qui est porté par les anges et qui détient des effets, des traces qu'ont laissé Moussa ou Haroun après eux. Et aussi, il y a As-Sakina. Allah Jalla wa'ala nous dit que dans cette boîte, il y a la sérénité. Il y a As-Sakina. Ensuite, dans les Kutub al-Tafasir, les savants du tafsir ont expliqué cela, quel était le sens de As-Sakina et autres, et quel était le sens que les anges ont porté cette boîte. Al-Muhim, donc la fois dernière, on avait parlé de cette boîte. Et donc ça faisait partie du signe de la royauté de Talut sur les enfants d'Israël. Et lorsqu'ensuite il y a eu justement la guerre, ce conflit qui a éclaté entre Goliath, qu'on appelle Jalut, et Talut, et les enfants d'Israël, très peu ensuite, Alors qu'à la base, comme on verra, comme vous avez pu voir dans les versets, si vous lisez ce fait dans Sourate al-Baqarah, à la base, ils étaient nombreux avec Talut, mais ensuite ils ont été éprouvés. Ils ont été éprouvés, il restait que très peu. Il restait que très peu. Donc ensuite, il restait une partie infime de croyants avec Talut face à Jalut, face à Goliath, face à Jalut. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur aussi. Parmi les causes, c'est que les gens à l'époque avaient peur de ce roi qui était Goliath, Jalut, avait peur de son armée. Et donc, beaucoup de gens ne voulaient pas aller en quelque sorte en conflit. Et donc, il restait une partie infime de croyants autour de Talut contre Jalut. Et aussi parce que dans les versets, il nous est mentionné qu'ils ont été éprouvés, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient avec Talut, c'est qu'il y avait un fleuve et Allah leur avait interdit de boire de ce fleuve. De boire de ce fleuve. Et donc, c'était un nahar, une sorte de fleuve, de rivière. Et donc, il leur était interdit de boire de ce fleuve. قال الله عز وجل في القرآن فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. Et donc dans ces versets, Allah Jalla wa'ala nous dit que lorsque Talut se mit en route, justement avec ses troupes, alors, à un moment donné, il leur dit, Allah vous a mis à l'épreuve. Inna Allaha mubtalikum binahar. Il vous a mis à l'épreuve, à la traversée de la rivière. Donc, il y avait une rivière, et il leur dit, quiconque en boira ne sera plus des miens. Donc, l'épreuve, le test, c'était qu'il ne devait pas, il y avait un interdit, il ne devait pas boire de ce fleuve, c'est-à-dire les troupes de Talut, ceux qui étaient en sa compagnie, parmi les enfants d'Israël à l'époque, ne devaient pas boire de ce fleuve. Et Talut leur dit qu'Allah Jalawarla leur a mis cela comme épreuve. Il leur dit, celui qui s'abstiendra d'y goûter ou se contentera juste de puiser une petite gorgée. Vous avez vu, lorsqu'on prend avec le creux de la main pour prendre une gorgée, alors il dit, Talut leur dit, celui qui s'abstiendra d'y goûter ou se contentera d'en puiser une gorgée dans le creux de la main sera des miens. Il sera des miens. Mais Allah Jalla wa Ala nous informe en nous disant, fasharibu minhu illa qalilan minhum. Et lors de la traversée, ils burent tous, à l'exception de quelques-uns. Donc il nous est mentionné dans les versets que ils burent tous, sauf à l'exception de quelques-uns. Donc, il restait que quelques-uns. Et justement, ensuite, Allah Jalla nous dit, et lorsque Talut eut franchi avec ses compagnons la rivière, ces derniers s'écrièrent, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'affronter Jalut, Goliath. Ils dirent, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي. On n'est pas en mesure d'affronter Jalut et ses soldats. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Et là, Allah Jalla wa'ala nous informe qu'une partie dirent, tandis que ceux qui avaient foi dans leur rencontre avec leur Seigneur, ripostèrent et répliquèrent en disant, et combien de fois n'a-t-on pas vu un petit nombre ou un petit groupe triompher, et que de fois n'a-t-on pas vu un petit groupe triompher d'une grande armée par la grâce de leur Seigneur, qu'Allah est avec ceux qui savent patienter. Wallahu ma'a sabirin, Allah est avec les patients. Et donc, regardez ce petit groupe. Restez un petit groupe qui dit, ceux qui savaient qu'ils allaient rencontrer leur Seigneur. Et combien de petits groupes ont vaincu de grandes fractions avec la permission d'Allah? Wallahu ma'a as-sabirin. Et Allah est avec les patients. Et ensuite, Allah Jalla wa'ala nous enseigne dans ces versets, falamma barazu wa lamma barazu li Jalut wa junudi. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Et ensuite, alors lorsqu'ils firent face à Goliath, à Jalut, Il y a ses troupes et ses crières. Donc vous avez vu, c'est ce petit groupe qui restait avec Talut, le peu qui restait, et ses crières, ô Seigneur, accorde-nous la patience, affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur ce peuple impie. Alors, Allah Jalla nous dit ensuite, Fahazamuhum bi'idhnillah wa qatala Daoud ou Jalut. Et Allah nous dit, et donc, ils l'emportèrent, ils mirent leurs ennemis en déroute par la grâce d'Allah, et Daoud tua Jalut. Et donc, c'est dans ce verset ensuite qu'on a cette information. Allah nous enseigne que Daoud, ensuite, donc Daoud faisait partie de ce petit groupe qui sont restés fermes et constants en durant dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, Fahazamuhum bi'idhnillah. Et avec la permission d'Allah, ils ont vaincu. Wa qatala Daoud Jalouta. Et Daoud ensuite a mis fin à Jalout, à Goliath. Wa atahu Allahul mulk wa al-hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Et Allah ensuite nous dit au sujet de Daoud, et Allah lui a donné la royauté, la sagesse et lui a enseigné ce qu'il voulait. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakin Allah dhu fadlin 'ala al-'alamin. Et ensuite, Allah termine le verset en nous disant, et si ce n'était pas Allah qui repoussait les hommes les uns par les autres, il y aurait partout al-fasad sur terre, le chaos, la corruption sur terre. Et Allah est plein de bonté pour les hommes. Et Allah nous dit, Wallahu, Allahu dhu fadlin 'ala al-'alamin. Voilà ce qui concerne l'épisode qui nous est mentionné dans le Coran, dans Sourate Baqara, concernant ce fait. Concernant cet événement-là, cet événement grandiose qui s'est produit à l'époque de Daoud, alayhi salam. On a un autre événement, une autre histoire qui nous est relatée là, dans une autre sourate, dans la sourate Sad. Dans la sourate Sad, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, « Hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihrab » إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Et donc là, dans ces versets, dans ce passage du Coran qu'on a récité, Allah Jalla wa Ala nous parle d'un fait important qui s'est passé à l'époque de Daoud, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, connais-tu l'histoire de ces deux plaideurs qui escaladèrent le mur de Daoud, alayhi salam. Et on va le voir dans l'explication de ces versets. Donc Allah jalla wa ala va nous mentionner le récit de Khasman. Lorsqu'on a dit ces deux plaideurs, c'était deux personnes qui étaient en conflit, qui étaient en discorde en quelque sorte. Donc il y avait un différend. Qui avait un différend. Et Allah nous dit dans ces versets, connais-tu l'histoire de ces deux qui avaient un différend et qui escaladèrent justement, qui escaladèrent le mur pour s'introduire en quelque sorte. Et ils ont escaladé al-mihrab dans le sens que ces deux-là qui avaient un différend, qui étaient en différend, donc ont escaladé pour pénétrer chez Daoud, alayhi salam. Comme il nous est dit dans le tafsir, قال l'imam Shawkani, بمعنى تصوروا المحراب, أتوا من أعلى السور, ونزلوا إلي المحراب. Et المحراب, c'était cette chambre, cette pièce, où Daoud se trouvait et où il dédiait justement, consacrait ici ce lieu pour l'adoration à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Daoud était dans cette pièce et justement, il adorait son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et deux personnes se sont introduites. Deux personnes se sont introduites et donc ces deux personnes, comme on a dit précédemment, qui étaient en différent. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف. Et donc Allah nous informe aussi après, donc qu'on ait dit qu'Allah nous a informé que ces deux ont monté justement pour la maison de Daoud pour rentrer justement chez Daoud et s'introduire justement. Et ils se sont introduits dans Al-Mihrab. Donc on avait dit Al-Mihrab, ce lieu où Daoud se consacrait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma idhakhalu ala Daoud, et Allah jalla wa ala nous dit, lorsqu'ils sont rentrés chez Daoud, fafazi'a minhum. Et donc là, il a été pris par une frayeur, Daoud. Subitement, il était pris par une frayeur et il dit قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. Et là, les deux lui dirent: n'aie pas peur, nous sommes juste en différent. بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, juge entre nous avec la vérité, juge entre nous avec la vérité. ولا تشطط وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. Et donc, là, les savants disent que Daoud, comme dit dans le tafsir Ibn Kathir, il dit فَفَزِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ فِي مِحْرَابِ وَهُوَ أَشْرَفْ مَكَانَ فِي دَارِ وَكَانَ قَدْ أَمَرَ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَمْ يَشْعُرْ إِلَّا بِشَخْصَيْنِ قَدْ تَصَوَّرَ عَلَيْهِ الْمِحْرَابِ. Et donc là, Ibn Kathir, il dit, le fait qu'il ait été pris par une frayeur, Daoud, c'est du fait qu'il était dans cette pièce, ce qu'on appelle, comme on l'a dit, al-mihrab, dans cette pièce qui était la pièce la plus noble de sa maison, la meilleure des pièces de sa demeure. Wa kana qad amara, et il avait donné l'ordre que personne ne rentre en ce jour. Alla yadkhul alayhi ahadun dhalika al-yawm, que personne ne rentre en ce jour. Et là, subitement, deux individus pénétrèrent. Pénétrèrent et rentrèrent justement dans sa maison et dans son mihrab, dans cette pièce où qu'il était. Donc ensuite, il lui dit, n'aie pas peur, nous sommes juste en différent, on veut que tu juges. On veut que tu juges car on veut que tu juges avec la vérité. Avec la vérité. Donc il cherchait le jugement de Daoud. On a dit qu'Allah Jalla wa Ala avait octroyé Daoud justement l'art de juger. La connaissance pour juger. Et donc, pour cela, les gens revenaient. On a dit que Daoud, à son époque, était justement un référent. Les gens revenaient à lui pour son jugement. Et donc, Daoud, lui, jugeait entre les gens. Et Allah, Jalla wa'ala, lui avait octroyé cela. Alors, ils rentrèrent et dirent, « Ne crains rien, lui dirent-ils. Nous sommes deux plaideurs, comme on a dit précédemment. L'un de nous a agi injustement envers l'autre. » Un J, ajustement vers l'autre. Donc ils demandèrent, guide-nous vers le droit chemin. Alors l'un qui prit la parole dit, cet homme est mon frère. Cet homme est mon frère. Et lui, il détient 99 brebis, alors que moi j'en ai qu'une. Et il m'a demandé de lui céder pour compléter son troupeau. Et j'ai dû m'incliner devant son insistance. Donc le plaideur, vous avez vu, il dit à Daoud, il se plaint en disant que son frère a 99 brebis, il a 99 brebis, alors que lui, il en a une. Inna hadha akhi, inna hadha akhi lahu 99 narja. Il en a 99, alors que moi, j'en ai qu'une. Et il m'a forcé, il me force à lui donner celle que je possède pour compléter en quelque sorte son troupeau. Faqala, et justement, les grands savants, ceux qui ont interprété le verset, certains ont dit فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَىٰ غِنَهْ عَنْهَا وَلَا إِلَىٰ افْتِقَارِ إِلَيْهَا بَلْ أَرَادَ التَّغَلُّبْ عَلَيَّا. Donc c'est dans le sens que il se plaint que son frère, il n'a pas fait attention justement à lui, le fait qu'il en a qu'une, donc que lui est pauvre, et que lui il en a 99. Il en possède 99. بَلْ أَرَادَ التَّغَلُّبْ عَلَيَّا. Et lui, il voulait tout posséder. فَقَالَ أَكْفِنِيهَا. فقال أكفلنيها أي اجعلني كافلها كما أكفل ما تحت يدي، بمعنى وعزني في الخطاب أي غلبني في المكالمة، غلبني في المكالمة. Alors le premier plaideur qui s'est plaint justement de son frère, alors il lui dit, il demande à Daoud, il m'a demandé de lui céder pour compléter son troupeau. Alors lorsqu'il lui a dit j'ai dû m'incliner devant son insistance, ensuite donc il demanda à Daoud de lui donner justement raison sur ça. فقال داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Et donc là, ensuite, Daoud rendit son jugement. Quand il est mentionné dans le verset, فَقَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِ. Ton frère, répondit Daoud, a effectivement commis une injustice en te demandant ta brebis pour l'ajouter à son troupeau. Pour l'ajouter à son troupeau. Et de là, lorsqu'on avance dans les versets, Allah Jalla wa Ala nous dit ensuite que Daoud pensa que nous l'avions mis à l'épreuve dans cet exemple. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit, lorsqu'on avance ensuite vers la fin des versets, وَظَنَّ دَاوُدْ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. Et Daoud, il a pensé que ça, c'était une épreuve, qu'Allah l'avait mis à l'épreuve. Alors ensuite, il a demandé le pardon à son Seigneur. Dans les versets, il nous est dit qu'ensuite, Daoud s'est repenti à son Seigneur et donc il se prosterna. Il se prosterna. Donc il tomba en prosternation. Et justement, à ce moment-là de ce verset, vous avez un signe qui montre la prosternation, que ensuite, nous aussi, lorsqu'on lit ces versets, on se prosterne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sajda, il y a une prosternation. Ensuite, en ce qui concerne cette prosternation, vous trouvez dans le livre d'exégèse, dans le tafsir du Coran, les savants ont parlé de cette prosternation. Et d'ailleurs, il est même renseigné ou parvenu à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète lui-même, un jour, alors qu'il lisait surat Sa'd, le prophète, alors qu'il était sur le minbar, est descendu et s'est prosterné. Et s'est prosterné lorsqu'il est arrivé à ce verset. Lorsqu'il est arrivé à ce verset. Et une autre fois, des compagnons rapportent que le prophète, alors qu'il lisait et qu'il arriva à ce verset, alors les compagnons s'apprêtaient justement à se prosterner, car ils s'étaient déjà prosternés avec le prophète sur ce verset pendant la prière. Et là, le prophète ne s'est pas prosterné. Mais lorsque le prophète avait vu que les compagnons s'apprêtaient à se prosterner, voulaient se prosterner, alors il s'est prosterné. Alors il s'est prosterné et le prophète ensuite leur a informé que cette prosternation était due au repentir de Daoud, que Daoud s'était prosterné par rapport à son repentir lorsqu'il a demandé le pardon à Allah et qu'il s'est repenti. Et Allah Jalla wa Ala nous dit « Wa anab » et donc il est revenu, il a fait un bon retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, Daoud, et Allah nous dit « Faghfarna lahu dhalik » ensuite Allah nous dit qu'il lui a pardonné. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ. Et Daoud, Allah Jalla wa Ala, nous dit que Allah lui a pardonné et Allah dit que nous lui réservons auprès de nous une place proche et lui accordons un bon lieu de retour. Et donc dans ces versets, Allah Jalla wa Ala nous dit وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ. Donc Daoud a une place importante et proche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala wa husna ma'ab et donc et un bon retour ou plutôt une bonne demeure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah jalla wa ala nous informe O Daoud, ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa. Et qu'Allah jalla wa ala a fait de Daoud un successeur sur terre, un khalifa sur terre, et il dit « Juge entre les gens avec la vérité et ne suis pas tes passions. »« Fayudillaka an sabilillah » car cela te fera dévier du sentier d'Allah. Et Allah dit ensuite: Inna alladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasaw yawm al-hisab. Et ceux qui dévient du sentier d'Allah ont eu un châtiment douloureux pour ce qu'ils avaient oublié yawm al-hisab, du jour des comptes. Et donc là, on a terminé la lecture de ces versets qui nous relatent cette histoire de ces deux plaideurs qui sont entrés chez Daoud et qui cherchaient un jugement. Parmi les enseignements à tirer de cette histoire, les savants ont traité cette question. Mais pourquoi Daoud a demandé pardon? Quelle était sa faute? Quelle était sa faute? Donc les savants ont traité cette question et ont mis différents avis. Lorsque vous vous référez, vous revenez au livre d'exégèse, vous retrouvez que les savants ont mis différents avis que quelle était la faute de Daoud. Et certains ont dit, c'est du fait que lorsque ces deux plaideurs sont venus, et l'un a pris donc la parole et a dit que mon frère a 99 brebis, alors que moi j'en ai qu'une. Et il me demande de lui céder, pour qu'il puisse compléter lui son troupeau. Et donc là, Daoud ensuite a dit, ton frère a effectivement commis une injustice en te demandant ta brebis pour l'ajouter à son troupeau. Et là, c'est pour ça que certains savants, ils ont dit que la faute ici aurait été de ne pas avoir demandé la version de l'autre frère et d'avoir jugé sans demander la version de l'autre frère. Certains savants, beaucoup de savants, considèrent que parmi les raisons mentionnées pour laquelle Daoud a demandé pardon pour cette faute, ça serait qu'il n'aurait pas, Wallahu a'lam, et Allah est le plus savant, qu'il n'aurait pas demandé la version de l'autre frère. Et donc il aurait jugé en écoutant la version du premier plaideur. Et c'est pour cela que certains savants ensuite, ils disent donc ensuite, lorsqu'il sut que c'était une épreuve, alors Daoud demanda pardon. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anab, comme c'est mentionné dans le verset. Et donc, de ces versets, on a de nombreux enseignements. Et pour faire très vite, Shir Saadi nous dit parmi les enseignements, le premier enseignement à tirer, فَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ يَقُصُّ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَخْبَرْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ لِتَثْبِيتِ فُؤَادِ. Et donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala rapportait et enseignait au prophète, racontait au prophète les histoires de ceux qui sont venus avant lui pour affermir son cœur et pour qu'il trouve au fond de lui une sérénité, une quiétude. Surtout, regardez, si vous observez bien dans cette même sourate, Allah s'adresse au prophète, et lorsqu'il y aura justement l'évocation du prophète Daoud, Allah s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Isbir ala ma yaqulun » « Patience face à ce qu'ils disent contre toi. »« Wadhkur abadana Daoud adhal aidi innahu awwab » et rappelle-toi notre serviteur Daoud, doté de force. Innahu awwab. Traduction relative du sens du verset. Donc dans ce verset où qu'il y a l'évocation de Daoud, lorsqu'Allah Jalla wa'ala nous dit « Et rappelle-toi, remémore-toi Daoud, notre serviteur Daoud, doté d'une force, innahu awwab », Allah Jalla wa'ala dit ça au messager d'Allah, au prophète, sallam, lorsqu'il lui dit « Patiente face à ce qu'ils disent. » Patience face à ce qu'ils disent. Et donc là, le prophète sallam entendait de nombreuses paroles qui lui causaient du tort. Et donc les polythéistes à l'époque causaient du tort au prophète sallam, que ce soit par les actes ou par les paroles. Et donc là, Allah Jalla wa'ala a enjoint le prophète de patienter et il lui dit évoque, remémore-toi notre serviteur Daoud Zal Aidi. Parmi les enseignements qu'on tire, أنه ينبغي استعمال الأدب في دخول على الناس خصوصا الحاكم والرؤساء. Parmi les enseignements qu'on tire de cette histoire, Cheikh Saadi nous dit le deuxième enseignement, qu'il incombe à la personne qui cherche un jugement, lorsqu'il rentre chez un juge ou une personne qui peut juger, d'avoir un comportement, mais de ne pas rentrer à l'improviste comme cela a été fait. فَإِنَّ الْخَصْمَيْنِ لَمَّا دَخَلَا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب ففزع منهم واشتد عليه ذلك. Pourquoi? Parce que ces deux-là, plaideurs, lorsqu'ils sont rentrés chez Daoud de cette manière inhabituelle, et ils ne sont pas rentrés aussi par la porte, fafazeraminum. Donc il a été touché par une sorte de frayeur. Ils sont rentrés subitement et soudainement chez Daoud. Et donc là, on tire de cette histoire le fait de, lorsqu'on rentre chez une personne pour rechercher un jugement, un avis, que cela se fasse avec un comportement. Thalithan, troisièmement, wa minha annahu la yamna al-hakim min al-hukm bil-haqq sous adab al-khasm wa fi'luhu ma la yanbaghi. Et troisièmement, on tire de cette histoire que ça n'empêche pas tout de même, que tout de même, ça n'empêche pas pour celui qui va juger, celui à qui on recherche auprès de lui un jugement, ça ne l'empêche pas de juger, même si ceux qui sont venus, même si les plaideurs ont eu un mauvais comportement et ils ont commis et ils ont fait ce qu'il ne convenait pas. Ce qu'il ne convenait pas. Cela n'empêche pas à la personne de juger. Pourquoi? Parce que Daoud, malgré qu'ils sont rentrés de cette manière, et regardez, ça faisait partie des noblesses, des nobles comportements de Daoud, malgré qu'ils sont rentrés de cette manière-là, malgré qu'ils ont occasionné une sorte de frayeur et de peur à Daoud, qui sont rentrés subitement, ils l'ont pris à l'improviste, dans cette pièce en plus où ils se consacraient à l'adoration d'Allah, où ils s'isolaient. Malgré cela, il a quand même jugé. Ça ne l'a pas empêché, leur mauvais comportement ne l'a pas empêché de juger. Wa minha anna al-mansuh law kana kabir al-qadr kathir al-ilm alayhi alla yaghdab. Et là, le quatrième enseignement que nous dit Cheikh Saadi, que celui qu'on conseille, même si il a un haut rang, il a un degré certain, même si il a un savoir, une connaissance, un ilm par rapport aux autres, mais il ne doit pas, lorsqu'on le conseille, malgré que lui est une personne dotée d'un savoir, d'un ilm, est une personne de haut rang, ça ne doit pas l'amener à prendre ou à se mettre en colère lorsqu'on le conseille. Bel yubadir bi qabul an-nasiha. Mais au contraire, il doit accepter le conseil. Quel que soit son rang, quelle que soit la connaissance qu'il détient, quel que soit le savoir, s'il est conseillé, il doit accepter ce conseil. Du fait que, regardez, lorsque ces deux-là sont rentrés, malgré la manière dont ils sont rentrés chez Daoud, ils dirent à Daoud: Fahkum baynana bil haqq, wa la tushtit, wa hadina ila sawa'i sirat. Ils dirent à Daoud: Juge entre nous avec la vérité, et en quelque sorte ne sois pas partial. Donc regardez, ils conseillent Daoud: Juge entre nous avec la vérité, et guide-nous vers le droit chemin. Montre-nous le droit chemin. Bel hukum bil haqq. Et là, on voit que c'est une sorte de conseil qu'ils lui font. Et là, on voit que Daoud a accepté cela. Donc, malgré le rang que détient la personne et la connaissance qu'il détient, il accepte le conseil. Voilà parmi les points qu'a mentionné Cheikh Saadi, rahimahullahu ta'ala, par rapport à cette histoire qui nous est mentionnée. Et donc, la fois prochaine, Inch'Allah, on débutera sur la vie du fils, du successeur de Daoud. Le célèbre successeur et fils de Daoud, Suleyman alayhi salam. Suleyman alayhi salam, wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.